journal caporal. Réfléchis à l'écrit, choc à l'oral. Squal du littoral, littéralement pas un enfant de chorale. Dans la poche, posca et vodka, shit et vodka. Crapule sans scrupule de rodka. Moi un mic et je le baptise de postillon d'eau bénite. Je brille plus que le soleil à son zénith. T'étonne pas, derrière y'a du taf. Lyrics direct et recto verso. Tu kiffes notre morceau en loose des comme un ouinge perso. Sur ce, sur su, on va se quitter. Mais dans un sursaut de bon sens, analyse le message si c'est reçu. Le fat staff arrive pour tremper sans toucher le fou. Enfin bref, arrache tes tests tombés, laisse tomber. Reste en paix. Non, c'est pas de la frime, frère. Écoute, c'est pour le futur. Je travaille mon flow et progresse au fur et à mesure. Écoute, c'est quelques mesures, comme taillées sur mesure. Depuis 90, j'écris partout mon nom sur les murs. Du chemin des combes, je lâche mes bombes, je déchire les fombes. Insulte mon trou et je te plombe. De l'ombre sortent les chacals, squat fondamental. Mon idéal, plein de Pascal et de femmes à poil. Au mic, c'est la razzia. Liquid sword comme Jiza. Mon truc sonne juste comme un scratch de DJ Sinista. Message à toutes les sistas, je ne fais jamais la siesta. Tengo la polla dura. Donc passez à la casa. Ma force vient de ma passion. Le hip hop c'est mon blason. J'ai vu comment ça se passe dehors, donc je me suis fait une raison. Mais sans baisser les bras comme l'ont fait d'autres avant moi. En déchirant le micro sur numéro 4 me ca. Ouais. Accueilli K-E-Y-A sur le mic comme il se doit. Avec des bienvenus, un nouveau venu dans ta hi-fi. Que pas tu kiffes, kiffes avec ton café. Charas volume à son max après avoir taffé. Les wacks baffés, même s'ils demandent comment on t'a fait. En tête, des lyrics sont en tête, écrit des textes en trêve. Les wacks têtes t'inspirent comme un pet, j'ai tant de potes, c'est la tempête sur la côte. On est aussi nombreux que les spots, un premier de la classe. Sous faciès, c'est un freestyle, dans une assiette, un festin. Pas de sieste, pas de repos après le repas. Je finis une face, un repas, même raid, je garde mes repères. Repère les vrais et les faux, on connaît, ils ont culé le faux. Belle, c'est trade, s'il le fait. Avec elle, laisse en rentrer. Un coup, essaye de rentrer. Avec du grand, ne cesse de rapper. Les gars, sans réfléchir, la 7K, tu vas banquer. Ouais. Maintenant, putain, fou que me caca, ça te manquait. Un bon conseil, surveille ta prod. Cousin, tu peux paniquer. C'est Mazar, le rap ça, fautiche paniqué. Gagne, gagne en flexion. J'cause clean, fais du rafu. Le vrai rap fort de rue, c'est dans ma trousse, on tient à l'affût. Monte beau d'art, les gens t'ont bien faire avec mes beaux terres. Les faux stars qui rêvent d'être légendes comme le go. Trop d'M6 tournent en ridicule, moi je reste humble dans l'esprit. Je tourne en ridicule, mais moi je reste simple dans l'écrit. Sincèrement épris, rappelant en essai. Toi tu vas te blesser. Mon air expoignant t'es sur le sol, sauf quand je vois ça fait ça. Je connais le deal, mon gars au fond quittait ça. Le mixtape, je viens donner le style, qu'est-ce qu'il y a. Attention, garde ton attention. J'ai l'inspiration sur ma casquette. De la transpiration, ce que dans mes baskets. J'suis avec casse-tête, chinois et un flow. Tel que les faux sinois. Soudain mon refrain cueillant, comme les siamois. Alors Mino, sur le mic, je fracasse à l'aventure à Lino. J'suis aussi riche que Wayne Nino. Tu le sais Mino, mes nasos renifle la thune. J'ai pas de lacune, mais de la rancune. Des rimes au hasard, j'en laisse aucune. Les faux sur le mic, c'est crustacé. Comme des crustacés, je me gave des fruits cassés. Razi, grec, cassé, sont là pour tout casser. Fondamental, inti fondamental. Rap frontal, en terre mentor, en taille menteur. Mon turf mater, ouais. Instrumental en renfort. Mon trou en renfort, mon trou un enfort. Et sans feu peu pour s'en foutre, rap le tort qu'on nous fait. Étouffer, pour pas tomber, j'ai tout fait. Mon rapport, un rap fort et assort. Mes rimes et track, port, but et faux frère. Faut faire, la part des choses et faut faire. La misère, rien d'offert, dans cette vie trop spas. Tu veux que ça diffère, l'office ça diffère. Faut qu'on se batte, car diffère, valent mieux que mille salopes. Vibère, qui vibère, on change pas nous, pas nous. Tu tombes dedans, parler cru et cru, c'est pas mon fantasme. T'es pas né le mic, mon job, t'es pas né, que je crève déjà. Déjà, je m'en fous et je pense déjà devenir quelqu'un avec mon mic, ma science. Je m'en sors pas mal en rap et pour le reste, patience, l'attente paiera. Les gens vont changer, et là on verra. Courir les putes en danger, hip hop de rue, le fuite hip hop de rue, mes frangins. Hip hop de rue, forgeons l'hip hop de demain. Ensemble, hip hop de rue, le fuite hip hop de rue, mes frangins. Hip hop de rue, forgeons l'hip hop de demain.